DJ Pure à un label, Sidecloth Recordings, et c'est tout naturellement Sidecloth Recordings qui héberge une nouvelle production de DJ Pure, le Bernois. Vertical Dreams a écouté ensuite On Ira, Verira avec le remix de Darius sur Kadabra Recordings. We'll be right back. Darius ira sur Couleur Tron version remixée et on débute les infos clubbing party avec la rubrique Memento Dance. Memento Dance pour se souvenir qu'on peut aussi aller ce soir en chasse-neige s'éclater au Mad Lausanne serait Liquid Trans Feeling à l'étage du parloir et en petit comité Made Wave et Mister Al se partagent platine et soirée. Soirée qui ouvrira ses portes à la fin de cette émission dans un même genre mais dans une autre soirée. Incursion de Lady Jane et de DJ Pure au Mad et demain jeudi c'est Deluxe Clubbing Party avec les deux DJ précédemment cités. Deluxe Clubbing c'est 18 francs car demain, exceptionnellement sur la grande scène, il y aura le bal de médecine. L'info est sur mad.ch et le tout en images sur techno.cc de K2C. Transcription International Party. Et l'info a fait le tour de la Terre en à peine une journée fin janvier. Le 10 mai 2003, DJ Tiesto jouera 8 heures non-stop au Gelredome d'Arnhem au centre de la Hollande. 25 000 tickets sont disponibles en prélocation depuis le 1er février, mais comme il s'agit d'une soirée pas comme les autres, organisée par ID&T, hein, comme d'habitude, avec un DJ pas comme les autres, élu meilleur DJ international par les lecteurs de DJ Mag, et bien il est important de vous préciser que 10 000 billets ont déjà été vendus. Le prix est fixé à 60 francs suisses, soit 42 euros pour l'entrée, et 111 francs suisses en VIP. Pour l'info, le Gelredome, c'est le stade mythique de Hollande qui a déjà accueilli des groupes comme U2 ou encore Bon Jovi. Pour les commodités de transport pour cette soirée du 10 mai 2003, et bien vous avez des vols avec EasyJet à prix avantageux à condition de partir vendredi soir et de revenir le lundi. C'est pas forcément la meilleure solution car l'hébergement en hôtel est cher en Hollande. Vous pouvez opter par exemple pour un aller-retour avec la compagnie KLM pour 250 francs suisses au départ de Genève, 4 fois par jour. En voiture, il y a 8 heures de trajet à faire au départ de Lausanne et l'itinéraire à emprunter passe par l'Allemagne. Quoi qu'il en soit, toutes les routes mènent à Tiesto, paraît-il, quand on est très motivé. Vous avez les liens qui vous seront utiles pour préparer entre amis votre week-end Tiesto du 10 mai 2003 sur techno.cc. Dans ces sélections Titus Recordings, le label DJ Pure, et Cadabra Recordings, le label italien, un intrus presque, un Cosmo Recordings et un DJ Tom Craft naviguant entre trance et électro avec Loneliness. Exactement à 34 minutes et 15 secondes durant cette heure, DJ Pure reviendra avec une autre production, sûrement celle qui va énormément cartonner durant cette année 2003. On vous l'a déjà jouée et on la rejouera autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que vous puissiez véritablement l'apprécier, surtout sa mélodie. Get Out sur Sightless Recordings à venir sur Couleur 3. We'll be right back. belle, on dit tu es pure. Trans Escape Life. Les Trans Escape Life reviennent pour une nouvelle saga de soirée version 2003, première édition de cette année au MAD Lausanne avec Bossy et DJ Wave en invité. Le duo sera sous la couverture de pseudo Essential DJ Team, rien à voir avec le show radio de Pete Tong en Angleterre. Essential DJ Team est un projet allemand de musique trans dans la droite lignée des Cosmic Gate du Monde ou encore Blank & Jones. Pour entourer de près les guests de cette soirée Trans Escape Life du samedi 8 février MAD Lausanne, DJ Pure, Blackmail et sous les pieds Convulsion Electro et Progressive UK sous l'impulsion des sélections de Sonic T qui jouera seul à l'étage du parloir pour une longue nuit Escape UK qui débutera dès 23h. L'info qu'il vous manque est sur couleur3.com en page d'accueil. Il suffit tout simplement de cliquer sur Trans Escape News et puis l'invitation qu'il vous manque pour cette soirée est au bout du fil 021 320 63 83. On vous inscrit sur la guest list de Couleur 3. Trans Escape Live, a radio show by Couleur 3. Va venir s'intercaler entre deux productions de DJ Pure, parution de Saitos Recordings, un body shock Rock This House sur le label belge Banzai. On vous mettra la playlist de cette émission à la fin de cette soirée sur trans-escape.ch. Vous pourrez aussi la retrouver sur couleur3.com, rubrique émission Trans Escape. National Party. Et DJ Pure va se mettre au vert dès le mois de mars prochain avec la sortie un peu retardée d'ailleurs du Green CD. La série colorée des compilations trans et progressives de DJ Pure continue avec un nouvel opus un peu particulier. Jugez plutôt, le projet est ambitieux pour ce Green CD. Pure a pris la décision, à haut risque ma foi, de ne mettre que des productions réalisées par lui-même et des amis au studio des frères Embros à Berne. Ce mix album est donc pour un DJ de musique trans une expérience unique, une première qu'auraient pu faire d'autres DJ avant Pure, mais pour des raisons commerciales, ils ont tous pour le moment rebroussé chemin. Ma foi, c'est encore Pure qui va défricher ces chemins inconnus qui, espérons-le, lui permettront de rencontrer le succès. Pure sera vendredi à l'Oxa Zurich avec Miss Jax pour la seconde édition des Nuits Techno.cc, une nuit axée techno uniquement avec résidents et invités. La première édition avait d'ailleurs réuni 800 personnes en janvier dernier. On vous invite à cette soirée. Seconde édition techno.cc, Miss Jax, DJ Pure et d'autres résidents, 021 320 63 83. Il suffit de nous appeler maintenant. S'octroyer une soirée métissage bien méritée, écoute du dernier Svensson et Gillen en version remixée. Le duo sort le vendredi 22 février prochain au MAD Lausanne. Le 22 février, c'est donc un vendredi. 23h, 5h, ce sont les horaires de cette soirée. Les infos sont déjà sur mad.ch. Et puis, c'est Coris qui aura la lourde tâche mardi prochain dans Trans Escape de nous jouer entre 22h et 23h. Les plus belles productions du team hollandais soutenues activement par le label IDNT Recordings. Demain, d'autres sélections clubbing. Vous mettrez vos oreilles entre de bonnes mains, celles de DJ Simple Zurich. Il y aura aussi l'agenda des soirées et quelques invitations à vous distribuer. Couleur 3. I'd like to put